Aller à la quête d'un sourire du monde, c'est comme danser sur un nuage. C'est comme tu es l'ennui. Je sais qu'il revient. Combien de fois il est mort. Combien le monde me hait. Comment pour tes yeux je suis beau. Combien je compte pour toi. De silence, de pensée avant de m'aimer. Finir dans tes bras, c'est comme finir l'infini, c'est comme bousiller ta vie. Pour que tu ne vives pour personne d'autre, que tu saches combien le vide est nul. Comment pour tes yeux je suis beau, combien je compte pour toi. De silence, de pensée avant de m'aimer. Comment je me maquille de réalité pour t'exposer le monde comme je le tiens. Ton monde comme il m'échappe. Et combien tes sourires sont durs à vivre. Surtout quand on ne les attend pas.